Croit-il fait sombre qu'on ne te voit pas? Non plus qu'une autre ombre qui sent sur tes pas. Mais l'air est sonore et ton pied bondit. Ne fuis pas encore, je n'ai pas tout dit. À qui ce gant rose qui n'est pas le mien? Quel parfum t'arrose qui n'est plus le tien? Tu ris mais prends garde, ta lèvre pâlit. Moi je te regarde sur ton cœur caché. Des fleurs vont mourir, les as-tu cherchées? Pour me les offrir, vois la lune éclair. L'enclos interdit, paix à ta colère. Sous la noble allée qui s'ouvre pour toi. Ingrat c'était moi, sans cri, sans prière, sans voix qui maudit, je fuis la première. Adieu, j'ai tout dit.